Bonsoir. Bienvenue à cette conférence du vendredi. On ne parlera pas de politique aujourd'hui. Vous ne direz pas que c'est la fin de semaine du Canada? Canada, ça veut dire étroit en espagnol. Ah oui? Canada. Alors, ils se sont toujours demandé d'où venait le nom Canada. Apparemment que dans un langage intéressant, ça veut dire aussi « je ne comprends pas ». Alors, quand les Blancs sont arrivés, ils ont demandé aux Indiens qu'ils ont rencontrés, c'est « comment ça s'appelle ce territoire-là? » Ah, il y aurait l'autre nain qui a répondu « Canada ». Je comprends pas. Et puis, c'est le Canada. Ça n'a vraiment rien compris. Puis, effectivement, l'espagnol « Canada », puis comme il y a des Américains, Vespucci, puis il y en a plusieurs qui parlaient des langues similaires à l'espagnol, quand ils sont venus ici, probablement aussi qu'en parlant du fleuve Saint-Laurent, qui rétrécissait régulièrement, qui était étroit à certains niveaux. On a Québec qui veut dire passage qui rétrécit, mais ça c'est dans la langue, maintenant on l'a traduit, mais la langue autochtone. Mais Canada veut dire étroit, en espagnol. Ah, ça donne bien. Est-ce que c'est un mensonge cosmique, le Canada? Ah, c'est pour plusieurs. Ou une vérité cosmique. Toute la structure comique. Est un mensonge cosmique. Québec, Canada, États-Unis, Europe. Toute la structure. La structure est un mensonge? Une illusion ou un mensonge? Un mensonge cosmique. Nécessairement, ça fait partie de l'illusion, mais c'est un mensonge. Pour bien distinguer de la nuance, j'aimerais ça que tu clarifies qu'est-ce que c'est une illusion et qu'est-ce que c'est un mensonge. Une illusion, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait réel. Qu'est-ce que c'est que réel? Réel, c'est quelque chose qui, à partir de toutes les structures établies, est immuable, ne peut pas bouger, n'est pas coloré, c'est-à-dire que c'est là. Il n'y a de réel dans notre monde que l'illusion. L'illusion est une mécanique réelle. Tout ce que l'humain peut voir de la réalité fait donc partie de l'illusion. L'humain ne peut connaître de choses réelles. S'il vit instantanément, donc il vit dans l'instantanéité, il percevra encore des choses qui feront partie de l'illusion, mais qui seront une illusion de plus en plus ajustée, donc de plus en plus près de la réalité. Lorsque l'être humain va sortir totalement de l'illusion, il va aussi sortir de la création. Mais c'est beaucoup plus loin. C'est pas demain la veille. Sortir de la création, ça veut dire sortir de l'univers. Ça veut dire sortir du système planétaire, du système solaire, du système de notre galaxie, du système de notre univers, du système de notre super-univers, puis du système créationnel. Et là, c'est la réalité ou c'est encore une illusion? Lorsqu'il sort de là, il fait partie d'un monde qui ne côtoie ni la réalité ni l'illusion. Les deux n'existent pas? Non. L'existence même n'existe pas. Ah. Oui, parce qu'il faut du temps pour créer de l'existence. La matière existe parce qu'il en a le temps. Élimine le temps, tu élimines la matière. Le temps est une quantité de matière et vice-versa, la matière est une quantité de temps. Maintenant, pour l'humain qui est une créature du temps, pour l'humain qui est investi de mémoire, pour l'humain qui est investi de matière, nécessairement, c'est tout ce qu'il pourra comprendre ou envisager à partir d'un cerveau quadridimensionnel, donc un cerveau qui inclut le temps, le temps que ça prend pour comprendre, un cerveau qui inclut le temps dans le déplacement des impulsions neuroniques et d'un corps de matière qui a trois dimensions, la hauteur, l'épaisseur, souvent, et la largeur. Eh bien, nécessairement, tous les concepts astro, tous les concepts psychologiques que l'humain peut amener sont des concepts qui font référence aux quatre dimensions. Et lorsque l'on dit qu'à un certain moment donné, il n'y a plus d'existence telle qu'on la connaît, le cerveau, même l'ego, la psychologie, essaie de dire « oui, mais ça ressemble à quoi? » Mais tout ce qu'il peut connaître doit être inclus dans les quatre dimensions. Donc, ça ne va pas. C'est comme je dis souvent, j'ai un verre ici, le verre projette de l'ombre sur la table. L'ombre, c'est le verre à deux dimensions. Si je regarde l'ombre, je ne peux pas connaître le verre. Alors, si je n'aurais qu'une vision que de l'ombre, ce qu'on a dans notre vie, nous, on a une vision quadridimensionnelle, mais c'est équivalent à l'ombre, il y a 13 dimensions. 11 que les scientifiques recherchent, il y en a 13 au point de vue ésotérique. Alors, la personne qui ne voit que l'ombre peut dire « je connais le verre ». Et quelqu'un qui voit les trois dimensions va lui dire « non, tu ne connais pas le verre ». Alors, celui qui voit l'ombre va dire « ben, à quoi il ressemble le verre dans tes trois dimensions ». Alors, c'est simple, regardez l'ombre d'une personne sur le trottoir, puis maintenant, décrivez-nous les couleurs de ses vêtements. Vous allez dire, voyons, dans l'ombre, c'est juste noir. Oui, mais la couleur, ça existe. Alors, celui qui voit l'ombre va dire, bon, ben d'abord, décris-moi donc les couleurs dans l'ombre. Ben, je ne peux pas. Chaque fois qu'on projette un vêtement coloré avec une ombre, ça devient noir. Donc, l'individu qui ne voit que l'ombre ne pourra jamais voir la couleur, ne pourra jamais comprendre ce qu'une personne veut dire lorsqu'il parle de couleur. Alors, on va lui dire, tu vois, elle a même des rides, elle a deux yeux, elle a... Oui, mais quand tu regardes l'ombre, tu te dis, voyons, c'est quoi, de quoi tu me parles? Il y a une pointe ici, ah, c'est son nez. Bon, mais un nez, c'est une pointe. Pas tout à fait, ça a aussi des trous. Montre-moi donc l'ombre d'un trou. Bon, et finalement, non, l'individu ne peut comprendre. C'est pas parce qu'il est imbécile. C'est que tous ses capteurs, ce qui lui le met en relation avec le monde extérieur, captent dans deux dimensions. Il n'est pas imbécile, mais ça lui sert, ça ne lui servira jamais à rien d'essayer de comprendre la tridimensionnalité de l'être humain ou d'un verre tant qu'il voit dans deux dimensions. Ce qui fait que souvent, il y a des questions qui sont intéressantes et qui ne peuvent être répondues parce que le langage humain est un langage quadridimensionnel. Ça prend un temps de communication. Déjà là, on perd énormément de sa réalité. Et en plus, c'est un langage qui crée des structures psychologiques tridimensionnelles. Donc, quand, par exemple, on parle de Dieu. On en a immédiatement une image humaine. Et on dit Dieu est éternel. Donc, on l'inclut dans un temps sans temps. On a besoin de mettre un temps. Si Dieu est éternel, c'est qu'il a toujours été, il sera toujours et il est. On peut aussi bien dire, bref, qu'il n'est même pas là. Et c'est aussi réel. Bon. Dieu est partout. S'il est partout, ça veut dire que finalement, il n'existe pas non plus. Ben oui, c'est la même chose. Il n'existe pas non plus. Tu ne peux pas le rencontrer personnellement. Et pour parler de vérité cosmique et mensonge cosmique, pour le sujet de la conférence, ça veut dire qu'il va falloir se limiter à la création ou à l'univers? On peut se rendre jusqu'à la création, mais premièrement, c'est préférable de partir avec notre nombril. Ou on peut revenir vers le nombril? On peut. À l'exclusion de la création, il n'y a ni vérité ni mensonge. Non. Donc, aller jusque-là, c'est si on part du plan terrestre, ce qu'on apprend comme vérité ou mensonge, ce qu'on entend par vérité ou mensonge cosmique, il y a souvent des mensonges qui sont astrales, ou des vérités qui sont astrales aussi. Du point de vue humain près du plan planétaire, donc dans les consciences psychologiques traditionnelles, archétypales, le mensonge, normalement, est une instruction du mensonge cosmique. Et la vérité fait aussi partie de l'instruction du mensonge cosmique. Quelqu'un qui dit la vérité peut être un menteur aussi menteur que celui qui compte un mensonge. À un moment donné, on va dire « toute vérité n'est pas bonne à dire ». On joue avec le mensonge cosmique. Alors, on commence déjà à avoir des problèmes. On va dire « oui, mais ça, c'est la vérité ». La vérité, par exemple, « Dieu vous aime », c'est la vérité. Ça fait partie du mensonge cosmique. Bon, « Satan vous déteste », ça fait partie du mensonge cosmique. Parce que du point de vue de l'amour, la vision que l'humain a de l'amour est déjà dans le mensonge cosmique. Prenons l'exemple, on parle du meurtre passionnel, de gens partant à l'amour, c'est déjà quelque chose qui peut amener à des choses très dangereuses. On a, au niveau de l'amour, on a énormément de principes qui font partie du mensonge cosmique à un point tel que si Satan nous détesterait, il ne perdrait pas sa vie et son temps à s'occuper de nous. Il faut donc qu'il aime s'occuper de ceux qu'il déteste. Bref, finalement, on occupe plus de temps dans sa conscience que ceux qu'il aime. Mais en réalité, c'est parce qu'on l'aime. Des façons d'aimer. Tu as ta famille, puis il y a un individu que tu détestes. Souvent, l'individu que tu détestes occupera plus de place dans ta conscience que ta famille. Mais cosmiquement parlant, tu es en amour beaucoup plus près avec celui que tu détestes. C'est une façon d'aimer que ceux que tu dis aimer avec la vision du mensonge cosmique. Parce que les gens qui, à un moment donné, se séparent et qui se détestent souvent aussi puissamment qu'ils se sont aimés. C'est la même chose, mais qui est maintenant exprimée d'une façon différente. Et c'est de l'amour. Alors, on parle donc de Satan. La vérité, c'est que Satan déteste l'homme. La vérité, c'est que Satan aime l'homme autant que Dieu, mais différemment. Alors, Dieu aime l'humain, oui. Mais dans son amour de l'humain, normalement, on dirait, s'il aime l'humain, il devrait éviter les handicapés. Devrait éviter les accidents idiots, les accidents imbéciles. Alors tu te dis, ben, peut-être que Dieu n'aime pas l'humain. Il n'aime pas l'humain comme on l'a appris. Ça fait partie du mensonge cosmique. Il aime l'humain comme un aimant. Il est obligé. Il a besoin de l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide que c'est un mensonge cosmique ou que c'est une vérité cosmique? Ou est-ce que c'est intentionnel, le mensonge cosmique? Ça fait partie de la cristallisation du temps et de l'espace. C'est exactement comme tu dis, qui décide à quelle température la glace gèle? Où la glace apparaît plutôt, à quelle température l'eau gèle. L'eau peut geler à 0 degré, l'eau peut être totalement liquide à moins 5 degrés, à moins 10 degrés. Qu'on ajoute du calcium à l'intérieur? Non. Comment tu fais ça? Si tu n'ajoutes rien dans l'eau, tu peux l'empêcher de geler en changeant l'atmosphère? Non, même pas. Oui, pas en changeant l'atmosphère, en changeant la mécanique. Et c'est exactement la même chose au niveau du mensonge cosmique. On prend un lac l'hiver qui, par exemple, disons qu'il est moins 10 sous zéro, et on regarde le lac n'est pas gelé. Ça arrive souvent. Lance une roche dedans, puis en 30 secondes, tu vas voir une couche de glace apparaître sur ton lac. Et ce qui va arriver, c'est que si tu tombes dans l'eau, tu vas mourir gelé immédiatement, puis la glace va te figer. C'est une question de principe chimique, c'est que si tu refroidis trop rapidement l'eau, elle n'a pas le temps de geler. Tu mets la moindre particule dedans et elle va geler immédiatement. C'est ce qui crée la grêle, d'ailleurs. La grêle, c'est la poussière qui gèle l'eau. Parce que à la température où elle est, c'est un petit peu en bas de zéro. Et quand elle arrive ici, elle est gelée, raide. Il faut des poussières, il y a des poussières dans la grêle. Tu mets n'importe quoi dans ton lac d'eau, puis ça gèle. Alors que si tu refroidis lentement, lentement, lentement, à zéro, elle va prendre. Si tu vas trop vite, elle ne prend pas zéro. Bon. Il y a des caribous qui meurent, plusieurs animaux, à un moment donné, qu'on retrouve morts, comme ça, ils sont morts gelés en traversant, bien c'est ça. C'est que la température a baissé trop rapidement, puis quand la poussière, qu'on appelle le caribou, est arrivée dans l'eau, ça a fait geler le lac, ou la rivière, ben, le lac souvent, puis là, ils peuvent plus se promener comme ils veulent. L'illusion, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité, et encore une fois, ça fait partie de la complication de compréhension chez l'humain, parce que l'humain a toujours une projection dans sa vision, c'est-à-dire qu'il cherche là le coupable. Il n'y a pas de coupable. Alors, des fois, là, ça ne comprend plus. Et il cherche l'intention. Il n'y a pas d'intention. Comme par exemple, Dieu a créé l'humain parce que Dieu s'ennuyait. Là, on va dire, non, Dieu n'a pas besoin de raison. Alors, pourquoi alors a-t-il créé la pomme, Adam et Ève? Ah, bien, c'est parce qu'il voulait vérifier si l'humain, ça c'est une raison. Il voulait vérifier si l'humain était capable de lui obéir. Alors que selon la théorie, il aurait créé l'homme et la femme à son image. Je pensais qu'il avait inventé la pomme, puis il voulait vérifier si c'était mangeable, qu'il avait fait des humains. Alors ça, c'est peut-être aussi valable, remarque bien. Le mensonge cosmique, c'est lorsque il y a une trame qui vient recouvrir la majorité des consciences animales, humaines, planétaires. C'est un mensonge cosmique. Qu'est-ce que c'est le mensonge cosmique, ou qu'est-ce qu'il y a dans le mensonge cosmique? Tout ce que l'être humain en considère comme des divinités, ça fait partie du mensonge cosmique. La religion fait partie du mensonge cosmique. Une personne dirait donc que la religion compte des mensonges. Non. Je répète encore une fois que, même que l'illusion est une réalité, que les religions font partie du mensonge cosmique, mais que les personnes dans les religions communiquent le mensonge cosmique, mais ne comptent pas, eux, de mensonges. Mais pour eux, c'est de la vérité. Exact, c'est pourquoi elles disent la vérité. Mais cette vérité est inclue dans le mensonge cosmique. Quand tu regardes certaines religions qui obligent l'humain à mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles, alors que tu as d'autres religions qui vont dire « quand on te donne un coup, tant l'autre joue », c'est impeccable et ces deux-là peuvent vivre heureux ensemble. Il y en a un qui a besoin de taper, puis il y en a un qui a besoin d'être tapé. Alors on va dire « oui, mais il y en a un qui c'est pas le vrai Dieu ». Exact. Lequel? Les deux. L'autre. Non, c'est l'autre. L'autre, c'est le faux Dieu. C'est toujours l'autre qui est le faux Dieu. Est-ce que toutes les vérités cosmiques, les vérités terrestres sont incluses dans un mensonge cosmique, ou est-ce qu'il y a des vérités terrestres vraies? Toutes les vérités qui sont dans le plan spirituel, dans les hautes sphères spirituelles, et donc dans la psychologie humaine, font partie du mensonge cosmique. La spiritualité est un mensonge cosmique. C'est-à-dire, l'évolution de l'âme fait partie du mensonge cosmique parce que l'âme est le seul véhicule qui n'évolue pas chez l'humain. Il cumule de la mémoire, il apprend, il va dans le monde de la mort, il revient, il se réincarne, il s'incarne, l'âme n'évolue pas. De ce fait, après des milliers d'années d'évolution à théologie plus avancée, depuis 2000, 3000, 4000 ans, l'âme humaine est la même que v'là 2, 3, 4000 ans. Elle a les mêmes haines, les mêmes dégoûts, les mêmes peurs, les mêmes désirs, les mêmes espoirs. On peut changer la couleur du véhicule, l'humain est identiquement le même. On faisait des orgies dans le passé, on en fait encore aujourd'hui, on avait des problèmes alimentaires, des problèmes familiaux, on avait des problèmes civiques, on avait des problèmes entre les nations, on a les mêmes choses aujourd'hui, il y a des armées qui ont le même besoin de conquérir, il y a des peuples qui ont le même besoin de fuir, au niveau de l'âme, c'est la même chose. Un psychologue aujourd'hui pourrait aider les Romains de l'époque, parce que c'est la même chose. Et il y aurait les projections, les blocages aux phases buccales, ou disons anal, c'est rare, buccales, etc. On aurait exactement les mêmes choses. L'âme est le seul véhicule qui n'évolue pas, alors que la majorité des sphères théologiques sont basées sur une seule idée, c'est faites évoluer l'âme et faites en sorte que votre âme soit sauvée. Est-ce que le corps physique évolue? Le corps physique a extrêmement évolué. En grandeur, en raffinement, en subtilité, etc., il a extrêmement évolué. Il y a des choses qu'on pourrait expliquer à nos ancêtres qu'ils ne pourraient jamais comprendre. Pas parce qu'ils sont imbéciles. Leur cerveau n'est pas bâti pour le comprendre. Et la majorité de ce qu'on aurait à leur compter, de toute façon, ils ne pourraient pas le prendre. Et on ne parle pas de dépression nerveuse. Ils ne pourraient pas le comprendre. Pythagore est en dépression nerveuse. Bon, il y en a quelques-uns comme ça qui ont les sphères cérébrales pour comprendre ce qu'on pourrait leur jaser. Mais les autres ne pourraient même pas cerner l'idée. La Terre est ronde. Mais non, elle est plate. Quand tu regardes à l'horizon, là, ça coupe là. Tu sais, quand le bateau s'en va, pouf, il vient de tomber, on ne le voit plus. C'est évident, la Terre est plate. Alors on dit, on voyage aux quatre coins du monde. C'est plat. Là, on leur expliquerait, ben non, elle est ronde, puis il y a ci, puis il y a ça. Ils n'auraient même pas peur. Ils ne feraient pas des dépressions nerveuses. Ils vous traiteraient d'imbéciles. Vraiment que c'était plus facile à comprendre quand c'était que la Terre était portée par un éléphant que là, que se tient tout seul dans le vide. Oui, mais ici, toutes les personnes qui seraient ici diraient immédiatement, oui, mais qui porte l'éléphant? La tortue. OK, mais qui porte la tortue? Comment qui porte la tortue? Ils ne feraient pas de dépression. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Les corps ont changé, ce qui nous permet d'avoir des consciences plus intéressantes. Mais au niveau de l'astral, tu apprends du mental. Mais le mensonge cosmique va dire à l'humain que c'est son âme qui évolue. Le mensonge cosmique va donc inclure les théologies. Il va inclure l'idée de la mort. La mort elle-même. La mort est un mensonge? Mensonge cosmique. Une vérité terrestre. Oui. Mortelle. Une vérité mortelle. Une vérité mortelle. Un mensonge cosmique. L'humain ne meurt pas. Sauf que toutes les visions... Cosmiquement, l'homme, la femme, l'enfant ne meurt pas. Sauf que toutes les idées que l'on se fera du monde de la mort sont normalement incluses dans le mensonge cosmique. Elles sont prévues. Le libre-arbitre est parti du mensonge cosmique. Il n'y a pas une seule personne sur le plan planétaire qui a du libre-arbitre. Il n'y a pas un qui décide de son action. Alors que tout le monde sur la planète est convaincu que c'est eux qui décident. La volonté fait partie du mensonge cosmique. La volonté ne sert foutrement à rien d'autre qu'à grimper de l'ego. Est-ce que le libre-arbitre, c'est un mensonge astral ou cosmique? C'est un mensonge cosmique et celui qui se conscientise, qui découvre qu'il n'a pas de libre-arbitre, lui va en faire un mensonge astral, c'est-à-dire qu'il va continuer à se convaincre qu'il en a un, alors que mentalement, il vient de comprendre qu'il n'en a pas. Et quand on parle de mensonge cosmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité de tout ce qui structure la psychologie humaine est à revoir. L'humain dit, « Oh, mais il faut bien qu'il y ait eu un créateur. » Si tu mentalises un peu, ou si tu intelligences les choses, si tu logifères, qui a créé le créateur? Et là, souvent, les gens vont dire, « Bon, non, non. » Qui porte l'éléphant? La tortue. Qui porte la tortue? Ben oui, non, non! Ça dépend de comment on était, mais aujourd'hui, on peut aller plus loin. Mais comme tu disais, la mort est un mensonge cosmique, la naissance aussi, donc on n'a jamais existé. C'est ce qui va arriver après. Où on existe. On n'aura jamais existé. Est-ce qu'on existe ou on n'existe pas? Présentement, on existe, mais ça fait partie du mensonge cosmique. Parce qu'on est dans le temps. Parce qu'on est dans le temps, mais le temps fait partie du mensonge cosmique. Quand l'humain nous dit... Je reviens encore, par exemple, qui a créé le créateur? Oh là, c'est, il s'est créé lui-même. S'il s'est créé lui-même, il était déjà là pour se créer. Mais c'est ça, justement, il a toujours été là. Pourquoi l'homme n'aurait pas toujours été là? Mais nous, on est médiocre, on se croit médiocre, donc on l'exclut. Alors, l'humain d'aujourd'hui, souvent, en théologie, ce qu'on a fait, qui porte la terre plate? L'éléphant. Qui porte l'éléphant? La tortue. Qui porte la tortue? Les anges. Qui porte les anges? Dieu! Qui porte Dieu? Ben oui, non, non! On a juste rajouté quelques morceaux au fur et à mesure de l'expansion de notre conscience. Qui porte? Ben voyons donc! Ben c'est la même chose! Dieu! Et là, on en arrive aux conclusions traditionnelles. C'est quoi Dieu? C'est l'infini. C'est quoi l'infini? C'est Dieu. Bon, c'est correct. On peut aller se coucher. Mais il ne s'est rien passé. Est-ce qu'il y en a une réponse? Une vérité cosmique? Oui, il y a plusieurs vérités cosmiques. Qui sont toutes incluses dans un mensonge cosmique. Évidemment. Donc, c'est tout démentri. Oui, mais ce n'est pas grave. Non, je ne dis pas que c'est grave. Je vais juste poser la question s'il y a une vérité là-dedans. La vérité, c'est le mensonge. Le mensonge est là. Ça, c'est une vérité. L'humain a toujours eu l'impression qu'il avait un libre-arbitre, alors que l'humain n'a absolument pas de libre-arbitre. Il n'y a pas un humain sur la planète qui décide quoi que ce soit de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire, ce qu'il va penser, surtout pas de ce qu'il va penser, parce que ça pense dans sa tête. L'humain veut se coucher le soir, il ne peut pas dormir parce que ça pense dans sa tête, alors il dit « Oui, mais c'est drôle, il faudrait que je contrôle ma pensée. » S'il faut qu'il contrôle sa pensée, c'est qu'il admet déjà que c'est pas lui qui pense. Quand tu lui dis « C'est pas toi qui penses », il dit « Oui, alors c'est moi qui pense, certain. » Alors pourquoi faut que tu contrôles ta pensée, connard, si c'est toi qui penses? Hein? C'est bien compliqué. C'est pas ça que je voulais dire. C'est ça. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Alors pourquoi tu les as dit? Donc c'est pas toi qui parlais. Ah oui, c'est moi qui parlais. Mais pourquoi tu dis ça? Ah, je me suis emporté. Mais pourquoi tu t'es emporté? Tu désirais t'emporter? Ah ben non. Mais s'il dit ben oui, moi je vais dire donc ce que tu as dit, c'est ce que tu voulais dire. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Pourquoi tu l'as dit? Mais c'est ça. À un moment donné, il faut que l'humain qui se conscientise, finit par découvrir qu'il est manipulé. Même la manipulation fait partie du mensonge cosmique, mais c'est une illusion beaucoup plus ajustée à la réalité que l'idée même du libre-arbitre. Donc, de ce fait, l'humain qui monte marche par marche doit à un moment donné se dire « Parfait, je suis manipulé. Je n'ai pas de libre-arbitre. » Et c'est beaucoup plus ajusté dans le monde actuel parce que l'humain n'a pas le corps physique qu'il aimerait avoir. La preuve, la deuxième industrie, c'est les cosmétiques. L'humain n'a pas la santé qu'il voudrait. La preuve, la première industrie, c'est les médicaments. Les barbites, non. Le gars dit, oui, mais j'ai quand même le libre-arbitre, c'est moi qui ai décidé d'acheter un billet de loterie. Écoute, si t'arrêtes les barbites, tu serais déjà riche. Bon. Puis en plus, tu réagis à ta pauvreté. C'est même pas une question de libre-arbitre. Question de réaction. Ça fait partie du mensonge cosmique. De ce fait, la culpabilité fait partie du mensonge cosmique. Mais là, tu vas dire, oui, mais quand je me sens coupable pour le vrai. C'est une vérité. Le mensonge cosmique est ce qui dirige l'humain. Effectivement, quand l'humain se sent coupable, il se sent coupable pour le vrai. A-t-il décidé de se sentir coupable? Non. Mais si on conscientise qu'on est manipulé totalement, à ce moment-là, la culpabilité n'existe plus. Tant que tu as un ego qui est programmé par le mensonge cosmique, tu te sentiras coupable en trouvant ça idiot de te sentir coupable, sachant que de toute façon, ça ne te regarde pas. Tu te sentiras quand même coupable. Mais tu restes quand même attaché au mensonge cosmique parce que soumis au non-libre-arbitre. Parce que tu fais encore partie des lois involutives de l'animal humain. Parce que tu fais partie des lois involutives des sphères spirituelles. Parce que tu fais partie de l'involution dans la spiritualité. Parce que tu fais partie de l'involution dans les systèmes spirituels théologiques. Est-ce que le plan supplémentaire est inclus dans le mensonge cosmique? C'est un mensonge. La vision humaine souvent va créer un mensonge astral. Mais même si on veut fouiller convenablement, on va se rendre compte que la structuration du phénomène supramental est inclue dans le mensonge cosmique. C'est un mensonge d'un autre niveau qui est plus près d'une réalité. C'est un mensonge plus ajusté. Faites juste dire à l'humain que l'instantanéité, ça existe. Alors l'humain dit « Parfait, il faudrait qu'on parvienne à l'instantanéité ». L'humain parle dans un mensonge cosmique parce que lorsqu'il parviendra à l'instantanéité, il n'existera plus comme il est aujourd'hui. Alors que l'ego décide de parvenir à l'instantanéité, c'est le mensonge cosmique. Parce qu'un ego ne pourra pas exister. Quand l'humain dit « Moi, j'aimerais rencontrer Dieu. » Parfait. Quand tu vas rencontrer Dieu, tu vas faire quoi? Ah ben, il faudrait que je me fusionne à Dieu. Parfait. Quand tu vas être fusionné à Dieu, vas-tu encore être un humain? C'est là que les problèmes commencent dans la conscientisation, parce qu'effectivement, si tu deviens Dieu, tu n'es plus toi. Ah non, mais je vais rester moi tout en étant Dieu. Ça fait partie du mensonge cosmique. Tu ne peux pas. Égoïquement, l'ego ne peut pas. Non, on devra changer les choses. L'arbre reste-t-il un arbre tout en étant une table? Le bois reste le bois. C'est vrai. Mais l'arbre était vivant. Le constituant va rester. Ce qui était constitué va changer. Mais ce qui est constitué est ce qui veut devenir autre chose. Oui, l'ego ne sait pas si c'est mieux d'être un arbre ou une table. Non. Il pense que c'est mieux quand il va être une table. Mais l'ego, il pense que c'est mieux quand il va être une table, puis il est convaincu qu'il va rester un arbre. Il va avoir encore des feuilles et des racines. C'est ça, mais il va aller créer cette surprise, parce que quand il va commencer à être une table, ce qu'il a toujours voulu, il va se rendre compte qu'il est en train de perdre ce qu'il est. Et c'est ce qui va arriver. Mais comme les deux font partie du mensonge cosmique, parce que tantôt tu as dit que les divinités faisaient partie du mensonge cosmique, donc devenir Dieu aussi, donc la table aussi, c'est un mensonge cosmique. Évidemment. On va être quoi si on n'est pas un arbre d'une table? Là, on ne peut pas le savoir. C'est comme tu disais tantôt, il y a l'ombre, puis je ne peux pas savoir s'il y a des couleurs dans l'ombre. C'est ça. Alors, il y a quelque chose de très bien. Si on est capable de trouver que l'ombre du verre est jolie, il y a des fortes chances qu'on trouve le verre très joli aussi. Peut-être qu'il faudra ajuster certaines visions de l'esthétisme. Oui, mais il est laid. Pourquoi? Ben, il est pas noir. Oui, mais c'est sûr, il est pas noir. C'est à trois dimensions. Oui, mais c'est laid, il est pas plate. Mais c'est sûr, c'est à trois dimensions. Il faut ajuster des choses. L'humain qui part à la recherche de Dieu, pourquoi il ne le trouve jamais? Tout ce qu'il trouve, ça fait partie du mensonge cosmique. C'est que le Dieu qu'il crée, ou la vision, ou la vertu qu'il crée, est une vision qui est quadridimensionnelle, puis qui est incluse dans ce qu'il voit. Mais jamais, jamais, jamais, il ne pourra trouver, il ne pourra sentir. Et jamais, il ne pourra reconnaître lorsque ça va lui passer sous le nez, pour la simple raison que c'est pas ça qu'il cherche. Est-ce que toutes les mécaniques astrales, comme l'ego, justement, ils sont incluses dans le mensonge, mais est-ce que elles sont une illusion ou un mensonge? Est-ce que l'ego est réel ou une illusion ou un mensonge? L'ego est réel, il est inclus dans le mensonge cosmique. Donc, créationnellement, c'est un mensonge ou une illusion? Autrement dit, là où ça ne nous regarde plus, là, il y en a pas. C'est un mensonge. Ben, il n'est plus rendu là, mais de ce point de vue-là, c'est un mensonge cosmique. Créationnellement parlant, c'est un mensonge cosmique. Fait qu'on est un mensonge cosmique. Oui. Et on vit dans le mensonge. Ben, le mensonge, on vit à l'intérieur du mensonge. Cosmique. On fait changement, là, parce qu'on vit dans le mensonge, c'est extrêmement biblique. On vit à l'intérieur du mensonge. À l'intérieur du mensonge cosmique. C'est pas la même chose. Okay. Ce qui fait que, si on prend ça comme symbole mathématique, un moins plus un moins, ça fait un plus. Est-ce que, si on est un mensonge, si l'ego est un mensonge cosmique inclus dans un mensonge cosmique, est-ce qu'on peut dire que les deux, pour eux, ils sont dans la vérité? Ben, c'est exactement ce qu'il y en est. Et ça, ça fait partie du mensonge cosmique. C'est ce qui crée la problématique à un moment donné, parce que toutes nos vérités d'évolution, on finit toujours par se casser les dents sur la vie. Et l'humain souffre, l'humain essaie de rectifier sa vérité. Rectifiant sa vérité, il inconsciemment admet que c'était un mensonge. Il va dire, non, c'est parce que j'avais pas suffisamment compris. Mais c'est exactement ce qu'il avait compris avant, faisait partie d'un mensonge cosmique, mais il l'appelait vérité. Maintenant, il ajuste, mais la capacité... Un être humain est évolué. Comment on peut savoir si un être humain a évolué? C'est lorsqu'il est capable d'accepter du neuf. Donc, lorsqu'il est capable de rectifier sa vérité. Mais lorsqu'il arrive à un point où sa vérité n'est plus rectifiable, il vient d'atteindre le sommet de ce qu'il pouvait obtenir comme évolution dans le temps présent. Mais parce qu'il ne peut pas rectifier, il va commencer maintenant à péjorativer. C'est-à-dire qu'il va dire que les autres sont des imbéciles, que les autres sont stupides, que ceci, cela et que cela et ceci. Par exemple, on aurait une philosophie qui exclut totalement les visions alimentaires. La philosophie chrétienne, en majorité, ne nous dit pas qu'on doit faire attention au corps physique. Elle dit même que la mortification du corps physique peut même être un phénomène intéressant pour l'évolution. À un moment donné, un chrétien va se dire, voyons, ça n'a pas d'allure, si Dieu a créé un corps physique, il me semble qu'on devrait l'entretenir. Alors maintenant, on va commencer à l'entretenir. On vient de rectifier notre vérité. Alors, on ne peut pas dire que l'autre est un imbécile. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui nous servait de vérité avant, maintenant fait partie du mensonge cosmique. Ça ne peut plus nous servir. L'autre est une illusion cosmique. Ça fait partie du mensonge cosmique. Mais c'est plus juste. Et à un moment donné, on va dire, bon, on faut entretenir notre corps physique, mais si je suis un bon chrétien, je devrais peut-être cesser de manger de la viande, de tuer. Alors, à un moment donné, eh bien, la personne vient encore de rectifier en fonction de l'évolution de sa conscience. Elle est toujours chrétienne. À un moment donné, elle va peut-être dire, je devrais même ne pas accepter le sang des autres. Puis si je perds une dent, c'est peut-être parce que Dieu veut me l'ôter. Et si je perds un bras, je ne mets pas de prothèse. C'est peut-être parce que Dieu veut que ce soit ainsi. Là, la personne commence peut-être à cesser de rectifier à la hausse sa vérité. Alors, à un moment donné, elle va dire, par exemple, mon enfant a besoin de sang, je ne peux pas lui enlever, je refuse les transfusions sanguines. Si Dieu a décidé ça comme ça, c'est ainsi. Un autre qui ajuste à la hausse va dire, si Dieu a décidé qu'on avait du sang pour y transfuser, c'est ainsi. Mais les deux n'ont pas tort. Mais c'est quand je dis, on parle de vérité, on est dans le mensonge cosmique. Alors, un mental dirait, alors autant prendre le mensonge qui nous convient le mieux. Mais c'est logique. Et c'est ce qu'on devra faire. C'est ce que les chrétiens font, c'est ce que les témoins de Jéhovah font, c'est ce que tout le monde fait. Sauf qu'ils vont arrêter à un niveau où ils vont dire, oui, mais là, ce n'est plus la même chose. Mais en réalité, c'est parce que c'est le niveau où ils ne peuvent plus rectifier leur vérité dans le mensonge. On ajuste notre vérité au fur et à mesure de ce qui nous fait plaisir ou de ce qui est intelligent. Ça dépend des individus. Certains vont l'ajuster en fonction de ce qui leur fait plaisir. D'autres vont l'ajuster en fonction de ce qui les sécurise. D'autres vont l'ajuster en fonction de l'intelligence, de leur vision. tout le monde a raison. Mais cosmiquement, tout le monde a tort. Maintenant, pouvons-nous vivre pacifiquement dans un monde où il y a différentes vérités parce qu'il y a le mensonge cosmique? Oui, s'il y a de l'intelligence. Si on est capable de, non pas de dire que c'est un point de vue différent, si on est capable de comprendre que c'est un point de vue différent. C'est facile de dire, oh, ça c'est un autre point de vue, tu sais, chacun a leur point de vue. Il y en a qui ont des points de vue d'imbéciles, d'autres des points de vue que de l'allure. Non, il n'a pas compris ce que c'est qu'un point de vue. Un point de vue, c'est qu'on est placé dans une autre région pour voir ce que c'est le phénomène cosmique, pour avoir une vision nouvelle, différente de la cosmogonie. Mais notre vision n'est pas plus conne ou meilleure. Elle est différente. Alors, l'être humain vit dans le mensonge cosmique. Par exemple, l'être humain qui dit, qu'est-ce qui, dans le mensonge cosmique, le bonheur fait partie du mensonge cosmique. On ne peut pas être la réalité. Mais non. Il n'y a ni bonheur ni malheur. Là, on est plus proche de la réalité. Et l'être humain qui recherche le bonheur à partir des visions traditionnelles aura toujours peur de perdre son bonheur. Donc, il sera toujours confiné à vivre son bonheur dans son malheur. Si on faisait abstraction de vérité, de mensonge, de bonheur, de malheur, de haut, de bas, si l'ego peut parvenir à faire ça. Bon, ça, c'est déjà beaucoup. Si on peut réussir à convaincre l'ego de... À ce moment-là, il serait au point mort. Il serait ni enclenché d'un côté, ni de l'autre. Au point mort, au point neutre. Au point neutre. Ben, pour lui, ça serait proche du point mort. Oui, effectivement. Il ne faut pas lui dire. Le point neutre pourrait finir par être son point mort. Ça donnerait quoi? Ça donnerait, tiens, il pleut. Ah bon, parfait, alors on va mettre nos imperméables. Alors que celui qui est dans le mensonge cosmique va dire, tiens, il pleut. Ah, c'est ça, il y a une drôle d'été, hein, avec du mauvais temps tout le temps. Puis... Bon, lui, là, il perd sa vie et son énergie à se plaindre pour rien. L'autre dirait, bon, on va mettre notre imperméable. Et l'animal humain va dire, ouais, mais gars, c'est un robot. Il n'y a pas de réaction, rien. Ah oui, il y a une réaction, il met son imperméable. Non, mais tu sais, il agit pas comme un humain. Ah, OK, c'est vrai, il devrait battre son fils à cause qu'il pleut dehors, tu sais, défoulé, quelque chose. Bon, je viens de perdre 1 million à la bourse. Puis il met... Pièce, on va chez McDonald's. Mais non, c'est pas, tu vas t'acheter des médicaments ce soir, tu. Ben non, je viens de perdre 1 million, c'est tout. Ben, mais c'est un robot. C'est vrai, il devrait se suicider. Ça, c'est un humain. Mais on a la vision. Le mensonge cosmique, c'est quelque chose qui amène une réalité planétaire, qui dans le mensonge cosmique, la réalité planétaire permet à l'humain d'augmenter son potentiel énergétique en essayant de se confiner, de s'ajuster à la réalité. Lorsqu'il atteint le sommet de la réalité planétaire, à un moment donné, il aura accès à une autre réalité planétaire. Mais parce qu'il a cette réalité planétaire ici, l'humain va vouloir la conserver tout en continuant à avancer, elle devient un mensonge cosmique réel, une illusion dangereuse. Alors, c'est ce qui fait que ce mensonge ici, pour se préserver, va dire, oui, mais celui-là qui finalement est toujours heureux, t'es un robot. Oui, t'as raison, il devrait être malheureux de temps en temps. Et il devrait faire comme toi, chercher le bonheur éternel. Ah, mais s'il l'atteint, c'est un robot. T'as raison, il devrait pas l'avoir, il devrait le chercher. Ça fait partie du mensonge cosmique. L'humain, dans le mensonge cosmique, dans le 99% des humains, ne s'autoriserait jamais à être heureux. Ils veulent le devenir. Mais si quelqu'un vous dit... Imaginez que vous faites voler votre automobile et vous ne souffrez pas. Certains vont dire, ben, ça aurait de l'allure. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Bon, on vole ton marteau et tu es un menuisier. Qu'est-ce que tu fais? Ben, crime, je ne suis pas prêt pour rattraper mon marteau. Tu as raison. Quand tu arraches ton marteau, qu'est-ce que tu fais? Ah, je tape sur le gars. Là, tu réagis en humain. Ah oui, mais c'est sûr, on est humain. Mais si tu serais un homme nouveau, une femme nouvelle ou un enfant nouveau, tu pars après la même chose. T'es pas pour rentrer le coup de tes mains. Tu rattrapes ton marteau, puis après, tu reviens avec ton marteau. Le gars, il ressort sur ton marteau. Ben, tu lui donnes une belle jambette. Le gars, il s'enlève, il revient encore dessus. Tu le laisses avec ton marteau. Cloulé dans le plancher. C'est ça, crucifie-le. C'était un humain. Mais là, l'être nouveau va agir en fonction de ce qu'il a à agir, mais c'est fini là. C'est un exemple frappant. Mais oui, ça part, oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si notre bonhomme, notre bonne femme revient avec son marteau et continue à travailler, quelqu'un va dire, Christy, le gars fait 4 fois qu'il vole ton marteau, Puis l'autre, il répond, ben oui, effectivement, il faudrait peut-être que quelqu'un le congédie ou quelqu'un y en achète un. Mais l'humain va mettre des péjoratifs dessus. L'être nouveau, non. T'as perdu ton marteau, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, pour l'instant, j'ai pas d'argent à m'en acheter un autre. Ah, je suis accompagné, je vais arrêter de tuer. On va voir. Eh oui, Martin fait du bruit. Sauf que l'humain traditionnel, celui qui est totalement pris dans un mensonge cosmique qui présentement, planétairement, l'empêche d'avancer un petit peu plus, va dire, oui, mais c'est un robot. Est-ce que le mensonge appartient à la forme? Parce que tu dis tantôt qu'on évolue sur différents paliers, puis qu'à un moment donné, bon, on a, disons, on peut prendre ça comme étant une religion ou peu importe. À un moment donné, on est attaché à une forme, c'est la vérité, puis après ça, c'est cette forme-là qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de changer de niveau de vérité. Comme j'explique souvent, c'est un escalier qui te monte en haut. L'humain, il embarque sur une marche, il dit « Crème, hey, je peux un pied plus haut, hey, on voit une belle vue. » Mais monte sur l'autre marche. Ouais, OK. Là, il essaie d'amener la pomme de la marche qui est sur le calier pour monter sur l'autre. Il veut pas perdre ce qu'il a amené là. Oui, mais elle m'a aidé, cette marche-là. Je sais qu'elle t'a aidé. Maintenant, il faudrait pas se ranger pour qu'elle te nuise. Laisse-la là. Là, il monte sur l'autre marche, puis il dit « Crème! » Ah ben là, je vois bien mieux. Ben, ce marche-là, mon côté avec des menteries. Non, c'est une question d'auteur, une question de point de vue. Laisse tomber. Oui, mais les religions, ils m'ont menti pendant 20 ans. Les religions, ils t'ont sorti de la drogue, ils t'ont sorti des structures animales humaines, ils t'ont sorti, tu sais, les religions t'ont pas menti. Ils t'ont monté sur une marche. Puis une religion peut être sur une marche un petit peu différente, pas plus haute. Mais cette marche-là, ici, te fait voir la salle de telle façon, la même hauteur, la marche là-bas, te la fait voir sur un autre angle. Il n'y a pas eu une conte de menterie. Ça fait partie du mensonge cosmique, en ce sens que l'humain, dans sa conscience astralisée, finit par penser que c'est la vérité. C'est le mensonge cosmique. Après ça, quand tu montes de marche, ou quand tu changes de marche, mais disons que tu montes d'une marche, eh bien, les gens qui rentrent dans la religion, c'est pas une gang d'imbéciles. C'est une gang de gens qui, présentement, vont là, puis en ont besoin là. À un moment donné, ils vont monter en haut. Où ça devient le mensonge cosmique, c'est quand il y a des structures qui font que l'humain qui force l'humain à ne pas pouvoir continuer à monter. Ta femme te laisse. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben là, je prends l'aspirateur, et puis là. Bon. C'est-à-dire, donc, ta femme, tu l'avais juste passé aspirateur. Non, non, tu ne mens pas. Mais c'est elle qui le passait, ben alors que moi, je lavais les murs. De toute façon, elle aussi faisait partie du mensonge. Fait qu'on n'a jamais été réellement mariés. Exactement. Sauf que l'animal humain direct est un robot. Pourquoi? Parce qu'il ne souffre pas. Mais dans 20 ans, quand tu t'es remarié 4 fois, qu'est-ce que tu parles de ton premier mariage? Oh, ben là, on en rit aujourd'hui. Mais à l'époque, ben c'est ça. Donc, il y a même eu un temps où tu es passé au neutre. T'étais-tu robotique? Non. Ça ne servait plus à rien de souffrir. Puis maintenant, t'en ris pour t'excuser de ne plus souffrir. Parce qu'on n'est pas capable de supporter le fait de ne pas souffrir? Ben non! Alors, on va en rire, on va dire, bon, mais si vous avez des problèmes, puis aujourd'hui, vous avez eu des problèmes, vous allez en avoir encore, puis à un moment donné, vous dites, ouais, aujourd'hui, on en rit. Pourquoi vous n'avez pas ri à l'époque? Non, à l'époque, c'était pas drôle. Mensonge cosmique. À l'époque, c'était la même chose qu'aujourd'hui. Qui était différent? Celui qui vivait l'illusion, disons la réalité. Mais celui qui est un peu plus conscientisé, à un moment donné, va vivre immédiatement dans la paix. Et les gens vont dire, c'est un robot. Mensonge cosmique. Il est heureux. Il n'est pas heureux. Ah oui, il est heureux, tu vois, en train de sourire. Non. Mais ce qui dégage comme monde de forme te donne l'impression qu'il est heureux. D'abord, il est malheureux. Non! Mais il est quoi? Il est neutre. Il est au-dessus de ce genre de choses. Il fait partie, il a échappé à un autre mensonge cosmique. Et l'humain parlera encore de robot. Ça fait une façon de le protéger. Mais tout l'escalier, là, on monte une marche, on monte une autre marche, on monte une autre marche. C'est du mensonge cosmique. Quand on va sortir au bout de l'escalier, on se rend compte qu'il n'y avait pas d'escalier. Exact. Il ne faudrait pas qu'on le sache tout de suite, on va avoir. Exact. Dis-le pas. Mais non, celui qui part à la recherche du bonheur, c'est quand il revient chez lui, finalement, il le découvre. Mais s'il ne serait pas parti, il ne l'aurait jamais découvert. C'est ça le problème. Que ce soit dans l'évolution spirituelle ou n'importe quoi, finalement, tout est confiné chez l'humain. Mais il fallait qu'il aille se promener pour revenir se rendre compte que finalement, c'était là. Pas pour dire, hein, on est quand même bien chez nous. Mais non, pas aller voir pire ailleurs. Ça dépend où tu voyages, tu sais, tu peux revenir, puis tu peux revenir chez vous. Mais quand on parle de rechercher au niveau de l'évolution, c'est exactement ça. L'humain, lorsqu'il revient chez lui après X milliers d'années, peut-être, de promenade, il se rend compte que finalement, tout était là. mais pas comme il l'avait structuré, pas comme le mensonge cosmique l'avait structuré. Quelle est la différence entre votre enfant et l'enfant d'un autre? Mais dans le mensonge cosmique, il y en a toute une. Dans le mensonge, il y en a une, mais oui. Cosmiquement, il n'y en a pas. Mais non. Astralement, il y en a une. Eh oui. Est-ce que c'est astralement ou cosmiquement? Ou les deux? Bien, l'astral est inclus dans le cosmique. Mais... Exact. Prends l'exemple, vous tuez un noir. Vous êtes dans le Ku Klux Klan. Ben, vous tuez un humain. Donc, vous tuez une partie de vous. Réellement, ça fait partie de l'illusion cosmique. Au niveau de tuer, il n'est pas mort. Mais ajusté à un niveau, au niveau où on parle des véhicules physiques, c'est exactement ça. Mais dans un certain mensonge cosmique qu'on appelle une vérité, ben oui, non, c'est avec un noir. C'est pas raciste, ouais. Noir, c'est pas une race. Bon, mais ça, c'est une vision qui fait qu'il n'y a pas de problème. Et c'est des esclaves. Puis pour la personne, ça va bien. Pour une autre personne, ça ne va pas. Elle est sur une marche plus haute, elle a de nouveaux points de vue. Pour celui qui le vit, comme dans ce cas-là, celui qui s'est fait tirer, lui, c'est une vérité astrale. Oui, vérité astrale, donc un mensonge cosmique. Parce qu'il n'est pas mort, il gagne le monde de la mort. Puis tout ce qui lui arrive dans le monde de la mort, c'est absolument pas ce qu'il pensait qui était pour lui arriver. Il est encore dans le mensonge cosmique. Mais ça n'y a pas servi à grand-chose, la vérité ou le mensonge astral. Ça, exactement, parce qu'il vit dans ce qu'on appelle un troupeau. Donc, tant que la masse n'a pas changé, lui non plus ne changera pas, ça ne lui sert pas grand-chose. La journée qu'il va commencer à se conscientiser différemment, il va être capable de canaliser, il va être obligé de canaliser des énergies d'une façon nouvelle. Donc, il va créer un double éthérique, ce qui va lui permettre de devenir plus ou moins immortel. C'est-à-dire qu'au niveau de sa conscience, il ne gagnera pas le monde de la mort. Donc, au niveau de ce qui est constitué, il va garder sa forme. Jusqu'à temps qu'au lieu de gagner le monde de la mort pour se l'avoir changé, c'est en gagnant le monde de l'intelligence qu'il va se l'avoir changé. Il va changer quand même. Mais dans un des deux cas, l'humain sera totalement conscient du changement, alors que dans le monde de la mort, on ne l'est pas. Dans le monde de la mort, tu es conscient de la purification que tu vis. Mais tu n'es pas conscient de la transformation que tu vis. Alors que dans le monde de l'intelligence, lorsque l'être humain a une conscience, on parle de vérité cosmique, je répète qu'une vérité cosmique est un mensonge cosmique de plus grande valeur. Alors, à un moment donné, pour ajuster les choses, on va dire, il y a un mensonge ici qui est évident au niveau de l'évolution cosmique de l'humain, et il y a la marche suivante qui est une vérité cosmique. Mais quand on sera rendu là-dedans, on aura une vision tellement différente, grâce à cette nouvelle vérité cosmique, qu'on saura que cette vérité cosmique est aussi un mensonge cosmique. Mais en attendant, l'astral humain pourrait dire, ben oui, mais si c'est juste des mensonges, moi, ça ne m'intéresse plus. C'est dans le mensonge cosmique de ton niveau. Alors, ça non plus, ça ne devrait plus t'intéresser. Donc, tu devrais changer puis aller passer à l'autre mensonge cosmique qu'on pourrait appeler vérité cosmique temporairement. Lorsque l'humain a suffisamment la capacité d'accepter le neuf, donc de rectifier sa vérité, de monter les marches, ben, l'humain, ça va lui servir parce qu'à un moment donné, il va se désassocier de l'évolution collective, il va se dissocier de l'appel du monde de la mort, il va se dissocier de l'évolution astrale énergisée, c'est-à-dire colorée. Alors, à un moment donné, il aura la capacité d'aller chercher de l'énergie astrale uniquement pour nourrir son corps astral, mais il n'aura pas besoin d'aller chercher de la couleur dedans. Autrement dit, je me fous de savoir si l'essence est mauve, bleue ou verte. L'important, c'est qu'elle me fasse avancer. Alors que présentement, l'humain va surtout aller chercher l'essence rouge, bleue ou verte, même si ça ne fait pas avancer comme il faut. Il nourrit l'ego et non pas le corps astral, comme on le fait avec le corps physique. On va manger des choses qui nous plaisent gustativement, même si ça ne fait pas bouger, même si énergétiquement, ce n'est pas adéquat pour le corps physique. Astralement, l'humain fait la même chose. Mais quand l'humain passe du mensonge cosmique planétaire actuellement exprimé, ben, il se libère de toute cette mécanique-là pour aller chercher une mécanique qui va, du point de vue de ce que l'on vit, le libérer totalement. Mais pour changer de marche, comme pour monter un palier, il faudrait avoir du libre-arbitre. C'est-à-dire qu'on monte un palier parce qu'on se fait ramasser par le coup, puis on se fait mettre sa marche d'en haut. On ne décide pas de se lever la jambe puis de mettre le pied sur l'autre. Non, pour monter une marche, il faut justement ne pas avoir de libre-arbitre. C'est ça. On se fait pas de libre-arbitre. Je suis d'accord. Ah, c'est bon, on monte des marches. C'est ce que je dis. On en monte des marches, mais pas parce qu'on décide de monter des marches. On monte des marches pour la force de manger des coups de pied au derrière, ou bien on se fait ramasser par le coup, puis on se fait mettre sa marche d'en haut. Pourquoi on se fait manipuler? Parce que... Il y a un certain nombre de personnes qui sont ici. Il y a un certain nombre de personnes qui sont dans différentes écoles d'évolution ou de différents systèmes qui font qu'on pense à des choses comme ça. Mais on se manipulait à penser à ça. On se manipulait à venir t'entendre, se faire dire qu'il faut monter une marche. Pourquoi nous autres? Pourquoi pas nous autres, si on me répond, j'espère? La question, d'un certain point de vue, n'a rien à voir. Parce... Mais je vais descendre de deux marches, je te réponds. Bon. Je descends de trois, parce que si vous êtes plus évolué, parce que vous êtes conscientisable, parce que vous avez la capacité de choisir des choses qui sont bonnes pour votre évolution. Maintenant, je monte une marche. Parce que fallait que ça se fasse comme ça. Parce que ça donne que ce qui est intelligent s'attire. Je monte d'une marche. Encore. Et parce que l'humain n'a pas le choix. L'humain se retrouve ici comme je me retrouve ici, puis je dis ce que j'ai à dire, puis l'humain va comprendre ce qu'il a à comprendre en fonction des mécaniques qui régissent les échanges d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dire des choses. Il y en a qui vont trouver ça génial, d'autres vont trouver ça stupide. Et ça n'a même pas... ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Ça a à voir avec ce que énergétiquement, on peut se faire mutuellement les uns les autres. Parce qu'il y a des gens, je peux parler, parce que je parle, il y a des gens. Ce n'est même pas une question de choix. Et je peux monter une autre marche encore. À un moment donné, je vais arrêter d'en monter parce que c'est plus compréhensible. Mais on a différents points de vue. Et si on va dans des endroits spirituels d'un certain niveau, ils vont donc expliquer comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que ça peut être parce que c'est l'appel de Dieu qui fait que les gens sont ici. Ou c'est l'appel de l'intelligence supramentale, diront ceux qui vont spiritualiser l'information. À un autre niveau, ben c'est ça, c'est parce que les gens sont suffisamment évolués, etc. Bon, mais en même temps, on se flatte l'ego, mutuellement. Et rendu à un certain niveau, on commence à ne plus se flatter l'ego. Les gens qui viennent ici, ce n'est pas parce qu'ils viennent, parce que je suis très évolué qu'ils sont là. C'est évident que du point de vue énergétique, on peut... probablement dialoguer, comprendre des choses que d'autres gens ne comprennent pas. Eux sont-ils moins évolués? Ça n'a rien à voir. Mécaniquement, c'est quoi la différence? Entre le cerveau, l'ego, le nez, la grosseur des yeux? Tout. C'est le corps physique, le c'est manque la génétique, de cheveux c'est ce qui est réincarnationné, c'est ce qui est réincarné dedans. Ouais, ou encore ceux qui en ont trop. Ça prend de l'énergie. Oui. Et tout, tout. Le corps vital, le corps astral, le corps mental... et nécessairement les prémices du corps supramental. C'est ce qui fait qu'il y a des individus qui vont être ici ou ailleurs. Je ne suis pas le seul sur le plan planétaire à parler comme je parle. Et c'est ce qui fait que les individus vont être ce qu'ils sont, mais pas nécessairement se retrouver ici. Mais se retrouver ici, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, mécaniquement parlant, ils sont appelés, je suis appelé, tu es appelé, à aller vers... En réalité, sommes-nous appelés ou si nous fuyons ce qui ne nous plaît pas, on se ramasse tous dans la même place? Ça dépend de la mécanique qui va faire que les individus vont bouger. Mais as-tu été appelé par le Grand Nord canadien pour aller chercher le caribou? Ou si tu as fui le sud parce qu'il n'y avait plus rien à manger? Ben, l'important, dirait celui qui était un autre marche, l'important, c'est qu'on ait suffisamment d'individus pour chasser intelligemment. Ben, c'est correct. Puis celui qui était une marche un cran plus bas des deux explications que j'ai données, l'appel ou la fuite, lui va dire que là, on mange. Et on pourra se rendre compte que celui-là va être heureux, que celui-là va être heureux, puis qu'entre les deux, ils vont dialoguer, peut-être même s'obstiner. Ça, mais à un niveau supérieur, l'autre aussi pourrait poser la même question qu'à l'heure on mange, je s'en fous de savoir. Exactement, c'est ça qui va arriver, c'est que les deux vont être finalement comme d'une forme de bonheur. Alors on va dire souvent, celui qui ne comprend rien ou l'inconscient, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Et pendant un moment donné, tu as plein de problèmes, c'est vrai. Puis rendu à un autre niveau, tu n'en as plus, mais tu n'es pas comme l'inconscient. Ce qui veut dire que l'évolution peut, dans certains cas, ressembler à l'involution. Mais c'est. Partie du mensonge cosmique, l'idée est que plus tu évolues, plus... Je dis souvent, quand une personne commence à vivre un réel cheminement de transformation, à un moment donné, souvent, elle découvre qu'elle est plus impatiente qu'avant. Alors, elle dit crime, tu sais, j'évolue pas, j'involue. C'est faux, elle évolue. Elle découvre qu'elle est peut-être plus colérique qu'avant, qu'elle est plus ceci qu'avant, qu'elle a plus de problèmes qu'avant, elle est sur le chemin de l'évolution. Dans le mensonge cosmique, on fait dire à l'humain, plus tu... élimine toutes les structures de problèmes, mieux c'est. Ça fait partie du mensonge cosmique. On explique, par exemple, la personne qui va faire un jeûne puis qui maigrit, elle est plus impatiente, plus colérique, plus énervée, plus etc. Et j'ai déjà expliqué que c'était normal, parce que l'ego s'exprime par le système endocrinien, donc il y a des sécrétions hormonales qui se font, les graisses en accumulent plusieurs. Quand tu as peur, tu sécrètes hormonalement, le cœur se met à accélérer, il y a plusieurs choses qui vont se passer, il y a une partie de ça qui va être éliminée, il y a une partie qui est stockée dans les graisses. Maintenant, tu suis ton jeûne, tu commences à maigrir, les graisses fondent, relibères les hormones dans le sang, le corps réagit comme si tu avais peur, puis tu commences à penser que tu as peur alors que tu n'as pas peur. Quand tu comprends la mécanique, tu vas dire, tiens, le corps vit la peur. Je suis en train d'éliminer les hormones que j'ai cumulées au niveau de la peur, au niveau du stress, au niveau de l'impatience, au niveau de la colère. Mais quelqu'un dirait, oui, mais c'est drôle, quand on fait un jeûne, tu sais, pour s'améliorer, puis on dirait qu'on devient pire. Fait que j'ai arrêté. Non, ça allait mieux. Et on appelle cela une purification. La purification veut dire éliminer les cochonneries. Mais les cochonneries, ils disparaissent pas comme ça. Ils ne sont pas téléportés dans le vaisseau de M. Spock. Les cochonneries, ils doivent être brûlées et rejetées à l'extérieur par les voies normales. Les voies naturelles, présentement. Et très, très, très souvent, plus l'être humain se conscientise, plus son ego semble être puissant. On a déjà expliqué la même mécanique. L'ego, c'est comme une pierre chaude qui est entourée de papier d'aluminium. Plus tu te conscientises, plus tu ramasses ces papiers d'aluminium qui sont de l'énergie, puis tu t'en sers au niveau du mental. Plus tu fais cela, plus l'ego, plus la boule devient petite, c'est un égoïste, ton ego devient petit. Et mon ego ne devient pas petit, je suis plus colérique qu'avant. Plus il devient petit, moins il y a de papier d'aluminium, plus la chaleur qui est à l'intérieur se sent, puis ton ego est chaud. Donc, plus ton ego est petit, souvent, plus puissant il est. Mais tu t'en vas vers la négoïsation complète. Et la création d'un double éthérique qui va t'amener à une immortalisation de conscience. Tu ne gagneras pas le monde de la mort si le corps physique s'en va. Effectivement, au niveau de l'illusion cosmique, on a souvent l'impression que l'évolution nous amène de plus en plus vers une forme de paix. C'est le résultat final. Et normalement, ça se fait par quantum, c'est-à-dire que subitement, on va arriver là. Je pose la question souvent, une personne extrêmement évoluée peut-elle être malade? Souvent, les gens disent, ben non. Ben oui, justement. Personne extrêmement évoluée peut-il piquer une grosse colère? Ben non. Mais oui, justement. Justement, pourquoi justement? Parce qu'il est plus au vif, il est plus... Parce que la mécanique structurelle de chemin évolutif fait en sorte que on a tellement, tellement enterré nos problèmes que plus on évolue, plus on va aller on creuse pour aller éliminer le problème. Et nécessairement, plus on s'en rapproche, plus on se rend compte que ça bouge là-dedans. On prend l'exemple. Allons voir certaines personnes dans l'idéologie, puis on va leur dire une personne qui a l'Esprit Saint, totalement connectée à Dieu, pourrait-elle tomber en grosse, grosse colère? Mais non! Mais le Christ, quand il a fait une sainte, on dit une sainte colère, c'est pas pareil, mais c'est quand il a fait sa sainte colère, puis qu'il a battu du monde, puis qu'il a mis dehors, puis qu'il a tout cassé, qu'il a ruiné un paquet. Ah, mais là, c'est parce que... Non, c'est pas parce que... Est-ce que c'était une colère? Oui. Est-ce qu'il a regretté après? Non. Est-ce que c'était regrettable? Probablement. Mais au niveau où il était regretté, c'est ridicule, une manipulation. Bon. Était-il fatigué énergétiquement? Était-il? Mettez ce que l'on voudra. L'idée n'est pas là. Mais une personne extrêmement évoluée peut-elle faire une colère? Mais quand le Nazaréen a fait une colère, ça en était toute une. C'est ce qui arrive avec l'ego. L'être humain extrêmement évolué, le piqué le pas trop, parce qu'à un moment donné, s'il lâche, vous allez voir qu'il y a de l'ego en arrière en tabarnouche. C'est ce que le capitaine Bonhomme appelle une colère rouge-vin avec des picots bleus. C'est ça. Alors, on a une vision de l'évolué qui, à un moment donné, nous nuit. Un être extrêmement évolué est-il nécessairement végétarien? Non. Il n'y a pas de philosophie alimentaire. Quand il a besoin de végétaux, il mange des végétaux. Quand il a besoin de viande, il mange de la viande. Ma chatte, souvent, elle mange l'herbe dehors. Une carnivore. Ben oui, mais elle se nettoie le système. Mais c'est ça. L'humain doit s'arranger pour laisser tomber. La problématique, c'est qu'on a des philosophies alimentaires. On peut appeler ça une mode aussi. Une obligation. Mais ils vendent juste de la viande. C'est pas bien un choix. Bon, mais cesse de t'en faire et mange la viande. Mais les philosophies, les modes, les accoutumances ou les... Mensonges cosmiques. Appartenances sont toutes des mensonges cosmiques. Le mensonge cosmique fait dire que plus on est dans le vent, mieux on se sent. Mais remarquez que quand vous n'êtes pas dans le vent, pourquoi vous vous sentez mal? Parce que le vent vous le dit. Mais cosmiquement, on ne se sent pas plus mal. Plus on est normaux, mieux c'est. Donc, moins on est naturel, mieux c'est. Parce que quand tu es naturel, tu n'es nécessairement pas normal. Mais le mensonge cosmique va même faire en sorte qu'astralement, les gens vont se sentir beaucoup mieux d'être comme tout le monde. Et les jeunes se font ramasser énormément comme les autres. Mais mieux faire partie d'un régime égalitaire. Faire partie de la gang. Alors qu'en réalité, faire partie de la gang, c'est peut-être perdre énormément de structures que tu as, toi, au niveau du naturel. Pour devenir collectif et comme tout le monde, là, tu es reconnu. Être reconnu, ça nous aide, on est plus heureux. Gagner un trophée, ça nous rend heureux. Combien de temps? J'étais champion de l'Est du Canada en judo. des trophées pour me rendre là, j'en ai ramassé des boîtes et des boîtes, et des médailles. Et à un moment donné, moi, ça ne m'a jamais dérangé. J'ai même cessé de faire de la compétition quand je me suis rendu compte que finalement, je me battais uniquement pour un fan club. Tu mets le pied sur le tapis, tout le monde applaudit, puis l'autre a peur, alors que je ne suis pas un tueur. Puis c'était connu, j'étais un tueur. Parce que je gagnais. À un moment donné, j'ai fait que de l'enseignement, et je changeais les plaques sur les trophées, puis je les donnais à mes élèves quand il y avait des... Eux n'avaient pas besoin. Et j'ai comme ça passé toutes mes boîtes de trophées, mes médailles. Et en même temps, j'expliquais à certains jeunes qui, on leur expliquait, tu sais, là, je te donne un trophée, parce que tu mérites ceci, etc., etc., etc. En réalité, on veut valoriser ce qu'il a fait. Le jeune va valoriser uniquement le trophée, puisqu'il est, puis puisqu'il a fait. Et il est rendu à certains niveaux, là, il est rendu à ceinture bleue, tu lui dis, c'est du judo pédagogique, évidemment, que j'enseignais. Alors, on lui dit, là, maintenant, cette année, là, tu as fonctionné aussi bien que l'année dernière. T'es encore un de ceux qui s'est le plus amélioré. Mais t'auras pas de trophée ni de médaille. Mais là, il saisit pas. Mais non. Parce que maintenant, ceinture bleue, tu vas être capable de comprendre que ce qui est important, c'est ce que tu fais, et non pas les objets qu'on va te donner pour te le garantir. Es-tu d'accord que c'était bien amélioré? Oui. T'as pas besoin d'un trophée pour te le dire. Fait que tu t'es bien amélioré, félicitations, puis continue, puis lâche pas. Et à un moment donné, tu le félicites même plus, tu fais plus rien du tout, il le sait, il est dedans, il vibre, il n'y a pas de problème, il travaille pour ce qu'il a travaillé. Pas juste ses mouvements, tout le reste au complet. Bon, mais le mensonge cosmique va faire en sorte que lui-même va avoir besoin de quoi? Imaginez qu'au Japon, avant, ça prenait, disons, 5 ans pour parvenir à être ceinture noire. Tu rentrais, on te donnait une blanche, t'as fourni le kimono. C'est pour fermer le kimono. C'est pour tenir les culottes. Non, ça, il y avait du cordon. Et ça paraît que ça m'a fait souvent. 5 ans après, quand on avait travaillé suffisamment, on était noir. Quand on a amené ça en Europe, ça ne fonctionnait pas. Après 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, la personne debout fait 3 ans, c'est encore blanc. J'apprends rien. Alors on a mis ceinture jaune, orange, vert, bleu, marron et noir. Alors les individus apprenaient la même chose dans le même temps, mais étaient-tu contents parce qu'il y a là, je suis bleu, là, je suis marron, là, je suis, t'es bon. Mais c'est le mensonge cosmique. Parce qu'il n'y avait rien de changé, sauf que les individus restaient parce que les individus avaient besoin d'avoir l'impression qu'ils avançaient. Moi, j'ai payé 300$. Puis ça fait, toi tu payes 50 piastres, on est blanche tous les deux. Tu sais, je me fais fourrer royalement. Comme les religions, comme les écoles, comme plein de choses. Alors dans le mensonge cosmique, on va dire à quelqu'un, ben non, mais c'est important d'avoir un grade. C'est le mensonge cosmique. Tout ça, c'est vrai que c'est important, mais c'est un mensonge cosmique, on perd de l'énergie et du temps là-dedans. C'est des carottes d'ego qui sont incluses. On carotise le chemin. Dans l'astral. Mm-hmm. Est-ce que l'astral, c'est le plus gros mensonge cosmique? Le plus gros mensonge cosmique, c'est la vérité cosmique qui suit le mensonge cosmique dans lequel tu te trouves. Tu commences moi ça en anglais peut-être? Quand tu es convaincu que être pauvre, c'est la réalité, et puis que tu te rends compte que peut-être qu'être riche, ça ne nous rend pas plus mauvais, tu décides de devenir riche, puis probablement que le plus gros mensonge cosmique va être de vouloir être riche. Quand l'humain est astral, puis que l'humain découvre à un moment donné les phénomènes supramentaux, le plus gros mensonge cosmique est souvent le plan supramental. Le plus gros mensonge cosmique, c'est la vérité cosmique qui est au-dessus du mensonge où tu te trouves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain va immédiatement essayer de transposer tout ce qui se doute, le niveau où il se trouve, dans la recherche du niveau supérieur. Alors, on va dire, par exemple, rencontrer le Christ, ça va te permettre d'avancer. Alors que tu as toujours pensé, toi, que uniquement penser à lui, c'était correct. Alors, tu décides, bon, ben j'aimerais le rencontrer. On va te dire, il est à telle place. Tu viens pour y aller, quand tu arrives là, il y a une barrière, puis il y a quelqu'un qui dit non, le dimanche, c'est fermé. Il y a des chances que tu prennes une hache, puis tu rentres dedans. Tu sais, tu t'en vas rejoindre le Christ, là, tu vas évoluer, là, t'en as assez. Là, tu es dans le mensonge cosmique, parce que rendu en haut, il ne sera plus là. Donc, le plus grand mensonge cosmique, c'est pas de dire que tel humain a vie. Non, c'est pas ça. La personne qui décide de rentrer dans les Jéhovah, parce que là, elle rentre dans son plus grand mensonge cosmique. Okay? Maintenant qu'elle s'est rassasiée, elle dit crime, c'est les Mormons. Là, elle rentre dans son plus grand mensonge cosmique, maintenant. La prochaine étape est toujours le plus grand mensonge. Tant que l'humain fonctionne astralement et spirituellement, tant que l'humain est assujetti à l'évolution à travers l'illusion, donc l'illusion illusoire, donc à travers le mensonge cosmique, effectivement, l'étape qui vient elle est souvent le plus gros mensonge cosmique. Ça, c'est parce qu'on pense que c'est la dernière étape au moment c'est où... toujours la même chose. Et parce qu'on pense aussi que nous, on est meilleurs, on a trop d'ego. Parce qu'on pense que, ça y est que... Parce que pourquoi? Bon, une personne vient aux conférences de Daniel Kim, est-ce que c'est un gros mensonge cosmique? Si elle dit, tu vois les imbéciles là-bas, ils savent même pas qu'ils sont manipulés. Tu vois le cave là-bas qui sont dans leur plus gros mensonge cosmique? Parce qu'ils ne sont pas capables d'intégrer énergétiquement la valeur de ce qui va être communiqué dans une conférence, un séminaire ou d'autres choses. Ils sont dans leur grand mensonge cosmique. À un moment donné, même Daniel Kim leur dirait, écoute, tu es aussi manipulé que l'imbécile que tu regardes là-bas. Ben oui, non, moi je le sais. Tu le sais, mais tu ne fais rien avec, parce que tu es en train de perdre ta vie à trouver écœurant d'avoir les gens manipulés. Si ce n'était pas manipulé, on vient de dormir, de te récupérer par le mensonge cosmique. Tu es encore assujetti à la même chose. L'individu qui dit crime, moi je fais partie de ceux qui vont être sauvés, dans le mensonge cosmique. Mais si tu es conscient que ça fait partie d'un processus dans lequel tu passes ou tu dois passer, parce que comme on disait tantôt, il n'y a pas de libre arbitre, on n'a pas choisi d'être assis là. Si tu es conscient que ça fait seulement partie d'un processus, puis après, tu sais pas ce qu'il y a d'autre, mais tu es détaché de ce résultat-là, est-ce que c'est encore un mensonge cosmique? C'est un mensonge cosmique beaucoup plus... Ou est-ce que c'est un outil? En réalité, toute forme de neutralité, on parle pas de neutralité par choix, on parle de neutralité de conscience. Il pleut, ça te dérange pas, il neige, ça te dérange pas, il fait soleil, ça te dérange pas. C'est pas une philosophie que tu t'es créée. Ça te dérange plus. Là, tu es extraordinairement près de réalité cosmique. Bon, si tu vas t'en vanter, tu es dans le mensonge cosmique, encore une fois. Ouais, si c'est l'ego qui s'en fait une philosophie, c'est pas ça. Pardon. Juste le fait de parler d'évolution méritoire, c'est le mensonge cosmique. C'est pas de notre faute si on est bon ou si on est moins bon. Une personne qui entraîne son corps physique énormément, qui en fait un athlète, elle est bonne. Elle va s'en vanter. Sauf qu'elle n'avait pas le choix d'entraîner son corps physique. Si on lui aurait dit, à un moment donné, passe donc 2 ans sans t'entraîner, jamais elle n'aurait été capable. On va dire, oui, non, moi j'ai de la volonté pour m'entraîner. Non, tu n'as pas de volonté du tout. La preuve, c'est que tu as de la volonté faisant ce que tu veux, si tu as du libre arbitre. Alors, prends de la volonté, puis aie la volonté d'arrêter pendant 2 ans. Elle n'a jamais assez de volonté pour ça. Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas du tout. À moins qu'elle se drogue, qu'elle se charge. Elle ne pourra pas. Alors maintenant, tu lui dis, tu vois, maintenant, tu es un athlète olympique et tu penses que c'est grâce à toi. Il n'y a aucun mérite là-dedans. Puis le pire, prête-moi ton corps, va faire la même affaire que toi. Il n'y a aucun mérite. Ce qui fait que l'humain qui fonctionne avec le mérite, il se dit, tu sais, moi, je travaillais dans un centre d'accueil pour personnes âgées à un moment donné, puis il y avait un grand monsieur, il mesurait 6 pieds, quelque chose. En tout cas, c'est pas difficile d'être grand devant moi. Et puis... Tous les matins, on devait le lever, on le tenait par les bras, il avait les mains toutes rigides, puis là, pour le faire avancer, il tenait debout tout seul, s'il n'y a pas trop de vent. Il tenait debout. Pour le faire avancer, il fallait qu'on le débalance vers l'avant, pas trop. Puis là, ses pieds avançaient, il n'y a pas le choix, bon, il se tenait, pas tombé, on l'amenait jusqu'à sa chaise. On le tenait de bord, puis l'asseoir dedans, c'était infaisable. Il fallait donc qu'on le pousse, puis il tombait dedans, il se plaçait. C'est un ancien boxeur, puis un grand boxeur. Alors, les personnes qui cherchent le mérite, à quoi ça sert? Il n'a pas assez sa vie à s'entraîner, ben regarde-les maintenant. Des illusions, donc encore une fois, tu viens de casser les dents sur le mensonge cosmique. C'est pas pour ça qu'il faut que tu entretiennes ton corps physique. Puis oui, mais regarde, il a tout fait ça pour rien. Il n'a pas tout fait ça pour rien, il t'a manipulé à faire ça. En plus, il était boxeur, il t'a manipulé à boxer. L'humain qui, à un moment donné, se conscientise, va finir par avoir des traces énergétiques qui vont l'obliger à faire autre chose. Le mensonge cosmique va vous faire dire... Ouais, là, maintenant, ce que je comprends, là, moi, je ne veux plus faire ça. Tu peux plus faire ça. Pas, tu veux plus faire ça. Mais le mensonge cosmique continuant à être sous-jacent dans la conscience humaine va faire dire à l'humain, je ne veux plus. Parce que l'humain n'est pas encore à un niveau, souvent, où il ne pourrait pas accepter l'idée qu'il peut plus. Comme je dis des fois en conférence ou en séminaire, l'humain n'a pas de libre arbitre, ce qui fait que si vous tuez quelqu'un ou violez quelqu'un, c'est pas vous, ça a été manipulé. Quelqu'un me dit, ouais, mais là, pensez de même, là, on pourrait faire n'importe quoi. Non. Ceux qui ne sont pas des tueurs, tueront pas plus. Ceux qui ne sont pas des violeurs, violeront pas plus. Ceux qui ne sont pas des voleurs, voleront pas plus. C'est faux. Ça, c'est. L'humain pense qu'il y a les barbites, ça ne changera rien. Ceux qui ne battent pas leurs enfants, tu peux les battre maintenant, c'est pas de ta faute. Ils ne battront pas plus. Ils ne sont pas bâtis pour le faire. Donc, ça ne change rien à l'humain. On pourrait faire tout ce qu'on pourrait faire. Autrement dit, ça ne changera rien ce que tu es. Il n'y a pas de problème. On décide que c'est la mode des trucs fluorescents. En mettez-vous. Ben, vous pouvez. Je ne veux pas en mettre, moi je trouve ça laid. Tu ne peux pas en mettre, tu ne peux pas trouver ça bon. L'idéal, c'est de décider d'aimer le vert quand le vert est à la mode. Ben, ça, c'est. Décider d'avoir le goût de prendre un café quand c'est le temps de la pause. Ou simplement faire comme ça va. Mais des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les posez, puis Charles va les lire. Tantôt.